Avant de dépasser, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Est-ce autorisé? C'est évidemment la première question. Dans la situation 2, il est impossible de dépasser le cyclomotoriste sans franchir la ligne continue. Mais même si la ligne permet le franchissement, donc le dépassement du cyclomotoriste dans la situation 1, un autre élément doit guider ma décision. Le camion qui arrive. Dépasser immédiatement en laissant 1,50 m d'intervalle, c'est frôler le camion. Risque à éviter forcément. Réponse